tout d'abord, je vous souhaite une très bonne année 2026. Un petit peu en retard, mais enfin, c'est encore temps. Nous sommes le 14 janvier. Cette émission aurait dû être programmée la semaine dernière, mais ça n'a pas été possible pour des raisons de grosse bronchite sévère. C'est tenace. Bon, l'album de la semaine, je l'ai mieux, un peu mieux. L'album de la semaine, c'est l'album Electric Arguments de Paul McCartney en 2008. On écoutera Nothing Too Much, Just Out of Sight, Sing the Changes, Light from Your Lighthouse, Dance Still Way High, Highway, Sun is Shining et Traveling Light. Mais il y aura également du Lennon, du Harrison, du Starr et des Beatles. Pour Lennon, ce sera Love sur l'album, alors c'est sur le Best of Give Me Some Truth de 2020. Mais évidemment, c'est sorti en 1970 et ce sera l'Ultimate Mix. On sera aussi dans les albums ressortis avec George Harrison, The Love That Loves the Lord. Love Loves the One That Loves the Lord sur Living in a Material World, sorti en 73, mais je vous proposerai la version du 50e anniversaire de 2024. Ringo Starr nous chantera Have I Told You Lately That I Love You sur Sentimental du Journée en 70. Quant aux Beatles, on commencera par un extrait du film Let It Be. Je vous en laisse la surprise, ce sera plutôt sympa. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. Et il est possible que je parle pas trop parce que ça n'est pas très très évident ce soir. Bonne soirée à l'écoute des programmes de RG. C'est la saga des Fab Four numéro 657 ce soir. Et l'album de la semaine, Electric Arguments de Paul McCartney en 2008. McCartney en roue libre. Cet album surprend parce qu'il est sorti quand même juste un an après Memory Almost Full de 2007. C'est un album sorti sous le nom de The Fireman. Le duo formé par Paul McCartney et le producteur Youth, Electric Arguments est souvent considéré comme l'album expérimental le plus accessible et le plus réussi de Paul. Esprit général, enregistré de manière spontanée et très intuitive, beaucoup d'improvisation, des paroles ajoutées après coup, une vraie liberté, loin des formats radio ou des attentes commerciales, un disque énergique, organique, parfois psyché, parfois presque punk. Le premier morceau qu'on vient d'écouter, c'est Nothing Too Much, Just Out of Sight. C'est le plus évident riff accrocheur, urgence. Paul McCartney au chant très rock. C'est le début de cet album de la semaine, l'album qui s'appelle Electric Arguments de Paul McCartney. Comme je dis pour les Wings, je dis Paul McCartney, c'est donc toujours lui le meilleur. Ça commence doucement. Love. Ah oui, il fallait que je marque la différence entre les deux. John Lennon sur RG en 1970. On en a bien besoin d'amour en ce moment. Real is love.

This time it's serious. This time it's I think I remember your waltz. Yeah. You're 3-4 and I'm 5-6. There's a letter for you, John. It seems to be something called Doris. Do your thing, man. I'm doing it all the time, I can't keep off it. Okay. What is it? One, two, three, four. Oh no. What are we doing? Sorry. Don't let me down. Yeah. Is that what we did? I was just into it. Do a nice big for me, you know, to give me the courage to come. One, two, three, four. Like she do me, ooh, she do me, yeah, she does. And if somebody ever really loved me, ooh, she loved me, yeah, she does. Ce sera tout pour aujourd'hui. Cet extrait du film, évidemment, Les Petites Billes, c'est une petite, un petit cadeau que je voulais vous faire en ce début d'année 2026. On revient à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est l'album Electric Arguments. C'est vrai que la première chanson, il faut se mettre au niveau parce que ça fait un petit peu bizarre. Mais pour la deuxième, il l'a reprise en concert et on a adoré. C'est le single naturel de l'album, fédérateur, presque euphorisant. Le titre du morceau, c'est Sing the Changes. sur RG. Don't you think? Stand by me. And darling, darling, Sur RIG en 1975, figurez-vous, je vous l'ai certainement dit depuis de nombreuses sagas, que j'ai connu cette version de Stand By Me de John Lennon avant celle de Benny King. Je savais que John Lennon n'en était pas l'auteur, mais j'ai toujours eu un faible pour cette version de Stand By Me parce que j'aime beaucoup la voix de John sur cet album-là, l'album Rock'n'Roll, un album que je vous conseille. Il était le premier des quatre ex-Beatles à se lancer dans un album de souvenirs. Les autres l'ont fait aussi ensuite, mais ou partiellement sur quelques chansons dans un album. Mais c'était John Lennon le premier à avoir fait ça. John Lennon qu'on retrouve avec les Beatles sur cette chanson Dear Prudence. Et puis après, vous aurez une chanson que je ne pouvais pas manquer de vous proposer en début d'année. You can.

chanson devrait être prescrite pour retrouver le moral quand on ne l'a pas. Bon, c'est pas que j'ai pas le moral, mais elle est tellement belle, elle est tellement bien. Pour cette chanson, nous sommes en 1968, George Harrison avait proposé la chanson et les autres avaient, enfin quand je dis les autres, c'est Lennon et McCartney, avaient l'impression de s'en préoccuper relativement peu. Alors Harrison en a eu marre et il est allé voir son pote Clapton. Il lui a dit, si tu venais jouer le solo, ce serait bien. Clapton a d'abord refusé, il a dit, personne ne vient dans les enregistrements des Beatles. Et Harrison a insisté en disant, si, toi tu viens. Il est venu et curieusement, tant mieux en tout cas, la séance s'est très très bien passée. Tout le monde a été motivé simplement par la présence d'Eric Clapton dans l'enregistrement de While My Guitar Gently Weeps. C'est une chanson que j'adore. Eh oui, c'est vrai. You told me that you didn't want me around anymore. But these stupid old feet just head for your street like they've done so many times before. And this stubborn old fist on the end of my wrist starts knocking on. Forgetting you don't love me no more. I keep forgetting you don't want me no more. I keep forgetting about those heartbreaking nights and those heartbreaking things that you said. aucune radio ne vous proposera ce titre, I Keep Forgetting, de 1983, l'album Old Wave de Ringo Starr. Et ces radios-là ont tort, parce que Ringo Starr a chanté après la séparation, et il a chanté de très très belles chansons, comme celle que vous venez d'entendre sur l'album Old Wave. Je propose de revenir à l'album de la semaine. L'album de la semaine de cette saga numéro 657, c'est l'album Electric Arguments de Paul McCartney en 2008. Et voici un nouveau titre que vous allez apprécier, j'en suis persuadé. Light from Your Lighthouse, sur la RG. It's hard for me to see which road I've gotta take. I know I need to find a way to leave it all behind. Let it shine on, let it shine on. Let the light from your lighthouse shine on me. Let it shine on, yeah, let it shine on. Let the light from your lighthouse shine. Is filled up with storms and heavy rain, and trouble comes sliding across my mind. It's hard for me to see which road I'm gonna take. I know I need to find a way to leave it all behind. Let it shine on, let it shine on. Let the light from your lighthouse shine on. Il est certain qu'avec la voix que j'ai actuellement, je peux très bien faire « Let it shine on, let it shine on ». Bon, je vais essayer de pas tousser. Tout à l'heure, je vous ai passé un extrait de l'album blanc et je vous ai dit qu'il y avait quelques dissensions au cours de cet album-là, notamment au sujet de « While My Guitar Gently Weeps ». Il y avait même Ringo Starr qui avait claqué la porte, qui était parti faire un tour en Sardaigne, et on lui avait fait manger sur un bateau, et on lui avait fait manger du poulpe. Il en est revenu avec une chanson, Octopus's Garden, sur RG. Qui est sur Abbey Road. Bon, c'est la sieste, c'est la fièvre. C'est pas grave, c'est la fièvre. I'd like to be under the sea, in an octopus's garden in the shade. He'd let us in, knows where we've been, in his octopus's garden in the shade. I'd ask my friends to come and see an octopus's garden with me. I'd like to be under the sea, in an octopus's garden, in the shade. We would be warm, below the storm, in our little hideaway beneath the waves. Resting our head on the seabed, in an octopus's garden, near a cave. Sing and dance around.

girl, you know the reason. Le Dirty Mac avec John Lennon, avec Keith Richards et Eric Clapton. Rien moins que ça pour cette reprise de Year Blues de John Lennon et les Beatles. Donc un petit accro aux Beatles, mais bon, c'est comme ça. Mais quelle version, quelle superbe version. Je vous propose de retourner du côté de l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est l'album... l'album Electric Arguments de Paul McCartney en 2008. Et je vous propose deux morceaux à la suite, parce que c'est Paul McCartney, et donc j'en profite toujours pour vous proposer un petit peu plus si je peux. D'abord Dance Till We're High, et ensuite le fameux Highway. Dance Till We're High, c'est une atmosphère nocturne, sensuelle, parfaite en écoute tardive. C'est le cas, hein, puisqu'il est 21h03 sur RG. Et Highway, que vous avez connu, puisqu'il l'a chanté en live, et c'est très très bien, c'est direct, nerveux, presque punk, une impression de jam live. Et d'ailleurs, il a chanté en live, comme je viens de le dire. Voici les deux extraits de l'album de la semaine sur RG, 90.7. C'est vraiment la radio des Beatles, le mercredi soir. fans et critiques y ont vu un Paul rajeuni, libéré, rappelant par moments Ram ou McCartney le premier, ou certaines audaces de la période 1968-1970. On peut dire sur cet album-là qu'il y a des guitares saturées, la batterie très en avant, des textures électroniques discrètes mais efficaces, et un chant souvent brut, moins poli, une énergie quasi rock par endroit. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cet album-là. On en écoutera un dernier extrait tout à l'heure. D'abord, c'est la cover. Je reprends mon souffle. La cover, c'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo ou George, que ce soit avec les Beatles ou que ce soit une fois la carrière solo entamée, même si eux-mêmes reprenaient une chanson d'un de leurs pères. Cette cover de cette semaine est une chanson que vous connaissez, c'est Accentuate the Positive. C'est sur la bande originale du film Licorice Pizza, mangeant bien une pizza, de 1996. Et c'est Vic Schoen qui nous chante cette chanson-là. To accentuate the positive, eliminate the negative, latch on to the affirmative, don't mess with Mr. In-Between. You got to spread joy up to the maximum, bring gloom down to the minimum, have faith or pandemonium, liable to walk upon the scene. To illustrate his last remark, Jonah in the whale, Noah in the ark. What did they do just when everything looked so dark? Man, they said we better accentuate the positive, eliminate the negative, latch on to the affirmative, don't mess with Mr. In Between. No, do not mess with Mr. In Between. Negative and an accent on a positive. Gather round me, children, if you're willing, and sit tight while I start reviewing the attitude of doing right. You gotta accentuate the positive, eliminate the negative, latch on to the affirmative, don't mess with Mr. In Between. You got to spread joy up to maximum, bring gloom down to the minimum, then otherwise I'm liable to walk upon the scene. To illustrate, well, illustrate my last remark, you got the floor. Jonah in the whale, Noah in the ark. What did they say? What did they say? Say when everything looks so dark. Man, they said we better accentuate the positive, eliminate the negative, latch on to the affirmative, don't mess with Mr. In Between. No, don't mess with Mr. In Between. George Harrison en 1987 sur l'album Cloud Nine. Encore ? Allez, encore. Horse to the Water. Toujours George Harrison. cette chanson-là est sortie à l'horizon 2000. Et à l'époque, comme elle ne venait d'aucun album, on a cru que c'était une partie du prochain album, donc l'album Brainwashed à venir de George Harrison. Ça n'a pas été le cas. Il a figuré, cette chanson a figuré, plutôt elle a figuré donc sur l'album d'un de ses potes, l'album de Jules Holland, qui fait un show en Angleterre, il me semble très connu. Et là, je vous ai proposé la version qui est de Best of Friends, sortie en 2007. Une version remix déjà à l'origine. Je voulais vous dire que tout à l'heure, il y aura Eric et Johnny de A à Z. Et il vous proposera l'album de la semaine qui s'appelle « C'est la vie ». De 1977 et je compte sur vous pour être présent parce que ça va forcément être très très très bien. Lui, c'est Ringo Starr. Hey baby, sur RG 90.7, la radio des Beatles. En 1976, sur l'album Rotograveur, c'était Ringo Starr sur RIG. Dernier extrait de l'album de la semaine, la chanson s'appelle Traveling Light. C'est un final aérien, mélancolique, presque méditatif, très beau pour conclure une séquence. Cet extrait de Electric Arguments de Paul McCartney en 2008. C'est pas celle-là, c'est Sun is Shining. Ce sera plus tard, Traveling Light. Je suis en avance. C'est bien aussi, Sun is Shining.

dans une petite vingtaine de minutes, vous proposera son émission Johnny de A à Z, avec comme album C'est la vie de Johnny, évidemment. Ce sera très très intéressant, comme toujours, à écouter dès 22h. On n'arrête plus la musique. Dernier extrait de l'album de la semaine, c'est Traveling Light. Je vous l'ai annoncé par erreur tout à l'heure. Voici la chanson. Et c'est la même personne qui, des années auparavant, avait composé ça. Lay down all thoughts, surrender to the void. terminer cette émission avec une chanson très beatlesque sur l'album Time Takes Time de Ringo Starr. Voici In a Heartbeat pour vous laisser tranquillement sur la RG. If your world ain't turning round, I'll make it turn around for you. I'll do whatever I can do. If you ever need someone, I would love to be the one. Call when you're feeling all alone. Je vous remercie beaucoup. Dans quelques secondes, ce sera Eric et Johnny de A à Z. À très bientôt avec une voix encore plus érotique, j'espère. À la semaine prochaine. Salut, ciao.